la bourse et les boomers. Je vais parler des valeurs. Je vais rajeuner les rageurs. Comme Ken Zafara, je me barre et j'en prends l'habitude. Pas question de baisser les bras car je veux prendre de l'altitude. Déployer mes ailes pour m'envoler. Ouais, après tout, j'ai pas volé. Car j'ai consacré plus la guerre de ma vie à la musique pour ne plus pas donner. Pourtant, plus d'une fois, on m'a fermé les portes. Mais je nourris, c'est le rêve que mes morceaux s'exportent. Toujours le poing levé, jamais la tête baissée. Je me suis toujours relevé lorsqu'on voulait me rabaisser. Je viens représenter. Je fais pas d'excès, dès que je me mets à chanter, il me pousse des ailes, sache que pour l'éviter, je n'ai pas mon pareil, je viens te le prouver, je vais t'en mettre plein les oreilles. Je vais booster les boomers, je vais parler les parleurs, je vais rajeuner les rageurs. Comme ce morceau a son moque fait des faits d'une bombe. Ma mélodie est bonne, c'est pour ça que j'ai su. Comme je dégage les a priori, donc je masque ton. Dans la vie pour tout le monde.